RQC. Il est 9h. Amis du rock, bonjour. Après 15 jours de silence, c'est avec un plaisir non dissimulé que je vous retrouve pour le 10e numéro de l'émission Living in the Past, proposée depuis juillet par RQC, votre station préférée. Les plus fidèles auditeurs ont pris l'habitude de se brancher sur le 95 FM ou sur leur PC pour réentendre durant 3 heures un lundi sur deux, de 9h à 12h, les classiques du rock, mais aussi de la pop. Bienvenue aussi à celles et ceux qui nous rejoignent aujourd'hui par hasard. Sachez que le programme sera comme d'habitude varié. Après des séquences anniversaires et oldies, je vous proposerai de célébrer les 10 ans de la sortie de l'album Back to Black d'Amy Winehouse, d'évoquer les 80 ans de Bill Wyman, le bassiste des Stones, d'évoquer l'histoire d'un groupe tombé un peu dans l'oubli, Brownsville Station. Nous poursuivrons ensuite notre programme habituel avec quelques balades pas piquées des verres, quelques morceaux de rock made in France, l'agenda des concerts, mais aussi quelques albums réédités ou sortis ces dernières semaines. Oui, je sais, c'est lundi, le temps est maussade, il fait gris, l'hiver approche. Bref, c'est pas un temps à vous gonfler le moral. Mais c'est pas une raison pour se laisser atteindre par la dépression saisonnière. Pour cela, un remède, rien de tel pour vous, redonner le moral que d'écouter Living in the Past sur RQC avec le meilleur du meilleur des playlists de Jean-Marie. Gonna tell him. Everything that Uncle Voilà, comme nous en avons pris l'habitude, nous avons débuté avec quelques petites pépites rock'n'roll des années 50-60. Pour commencer, nous étions en 1954 avec Bill Haley and ses Comets, qui trônaient en tête des hit-parades avec Shake, Rattle and Roar. Ensuite, Little Richard en 1957 nous baladait avec Long Tall Sally. Et enfin, Chuck Berry avec You Never Can Tell de 1964, nous emmenait de Saint-Louis to Liverpool. Living in the Past. Le meilleur du classique. Eh oui, nous sommes aujourd'hui le 14 novembre. Voyons maintenant ce qui a bien pu se passer un 14 novembre. Par exemple, en 1967, ce jour-là, le groupe Pink Floyd débute une tournée en Angleterre en première partie de Jimi Hendrix Experience. Au programme, il y avait aussi des groupes comme The Move, The Nice et enfin Amen Corner. Au cours de cette tournée, chaque formation jouait deux fois par soir et leur concert devait commencer avec quelque chose comme ceci. Commençons par les Pink Floyd, extrait de leur album de 1968, A South Full of Secrets, Let There Be More Light. Thank you. Eh bien, après ce premier titre de Pink Floyd, enchaînons avec Jimi Hendrix and Little Wing de 1967. Eh bien, après Jimi Hendrix, nous enchaînons maintenant avec The Move, non sans vous avoir préalablement rappelé nos coordonnées. RQC par téléphone au 056 34 07 83 et depuis la France au 00 32 56 34 07 83. In a heap, and yellow roses scattered all around. The time was still approaching, for I couldn't stand it anymore. So merry goes upon my eider down. I'm just sitting, watching flowers in the rain. Feel the power of the rain, making the garden grow. I'm just sitting, watching flowers in the rain. Time to catch the sight that I was seeking. I'm just sitting, watching flowers in the rain. Feel the power of the rain, making the garden grow. I'm just sitting, watching flowers in the rain. Feel the power of the rain, keeping me cool. If this perfect pleasure has to be, then this is how it has to be. If my pillow is getting wet, I don't see that it matters much to me. In the breeze, make conversation with the trees. Really, to leave reality behind me. With my commitments in a mess, my sleep is gone away, deep rest. In a world of fantasy, you'll find me. I'm just sitting, watching flowers in the rain. Flowers in the rain. approaching, for I can't stand it anymore. So Mary goes upon my. We'll be right back. Après les Move and Flowers in the Rain, je vous ai proposé The Nice avec leur fameux succès America. À propos de ce titre, ce titre a suscité la controverse lorsque Emerson a brûlé un drapeau des États-Unis sur scène, tandis que le groupe jouait un arrangement satirique de America de Leonard Bernstein, un compositeur classique, ce qui vaudra d'ailleurs au groupe d'être banni à vie du Royal Albert Hall, salle dans laquelle avait lieu ce concert. Keith Emerson a par ailleurs décrit cette pièce comme étant la toute première protest song instrumentale. Elle inclut des citations de la symphonie du Nouveau Monde d'Anton Dvorak. Et après cette large séquence de rock progressif et psychédélique, retrouvons Ray Charles qui, le 14 novembre 1960, reprenait un titre sublime d'Oji Carmichael qui devint numéro 1. Il s'agit de Georgia on My Mind, dont l'original date de 1930. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said, Georgia, Georgia, a song of you, a song comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I say, Georgia, oh Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. Her arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Whoa, Georgia, Georgia, I find just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Et retrouvons maintenant Police avec Every Little Thing She Does Is Magic.

Avance Million Miles Away de Offspring qui nous a réveillés. Nous avions affaire à Blur et Country House, extrait de l'album de 1995, The Great Escape. À propos de Blur, le 14 novembre 1995, ce groupe créait de gros problèmes de circulation dans le centre de Londres. Le groupe faisait une séance de dédicace chez un disquaire dans Charing Cross Road, et où 3000 fans s'étaient rassemblés devant la porte de l'établissement. Je vous dis pas le bordel. Et le 14 novembre 2000, par contre, ce sont les magasins de disques HMV qui ont refusé de mettre dans leur rayon le nouveau single d'Offspring, parce que le groupe avait décidé de le proposer également en téléchargement gratuit. La guéguerre avait commencé. Et voici Travis, le groupe pop rock écossais indépendant originaire de Glasgow, et son tube planétaire Sing. Et on enchaîne avec Bon Jovi, It's My Life, c'est ma vie. This ain't a song for the broken hearted. In rap. Et voici Aerosmith et Randy MC. Walk This Way. Cheating, that's a real big beat up. A vibe like a reminisce. N'est pas coutume, il y avait un peu de rap dans l'émission Living in the Past. En 1986, le groupe Aerosmith, un peu en perte de vitesse, a eu en effet la bonne idée de ressortir un de ses vieux succès et de lui donner une sonorité rap avec le concours de Run DMC. J'en profite aussi pour signaler qu'en ce 14 novembre, nous avons précisément l'anniversaire de Joseph Run Simmons, né en 1964, du groupe rap Run DMC, dont nous venons d'entendre le célèbre Rock This Way. C'est aussi l'anniversaire d'Alex John Such, l'ancien bassiste de Bon Jovi, dont nous avons écouté le célèbre ici It's My Love, paru en 2000 sur l'album Crash. Et enfin, au début de la séquence, il y avait Travis et le succès planétaire Song. Aujourd'hui également l'anniversaire de Douglas Payne, né en 1972 à Glasgow. Il était le bassiste de ce groupe. À l'occasion de son 80e anniversaire, du 80e anniversaire de Bill Wyman, donc c'était le 24 octobre dernier, je vous propose maintenant un petit focus sur celui qui a été pendant plus de 30 ans le bassiste des Stones. C'est en décembre 1962 que Bill Wyman est devenu officiellement membre des Rolling Stones en remplacement d'un certain Dick Taylor. L'histoire dit qu'il aurait été engagé dans le groupe essentiellement parce qu'il possédait son propre ampli et que le reste du groupe était alors fauché. Il est vrai que, âgé de 25 ans à l'époque, il était nettement plus vieux que les autres membres et il était le seul à gagner déjà sa vie. Il restera donc 30 ans dans le groupe et participera à l'enregistrement de 20 albums. Il quittera le groupe en 1993 pour se lancer dans une nouvelle carrière au sein du Bill Wyman's Rhythm and Kings. Je vous propose pour la circonstance trois titres marquée de l'empreinte de Bill Wyman, à commencer par Painted Black et son son de basse puissant et enveloppant. Il y aura ensuite Gimme Shelter, porté de belle manière par la section rythmique composée de Bill Wyman and Charlie Watts, et enfin 19th Nervous Breakdown et ce son rageur et tranchant qui a probablement d'ailleurs inspiré les punks 10 ans plus tard. Et c'est parti! With flowers and my love both never to come back. I see people turn their heads and quickly look away. Like a newborn baby, it just happens every day. I look inside myself and see my heart is black. I see my red door, I must have it into black. Maybe then I'll fade away and not have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black. No more will my green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. Summer clothes. seulement RQC sur votre radio. Tant qu'on en est à célébrer des anniversaires, je vous propose maintenant un petit focus sur l'album Back to Black d'Amy Winehouse, dont nous venons précisément de célébrer le 10e anniversaire de la sortie. Et oui, déjà que le temps passe vite. C'était le 27 octobre 2006 que Back to Black, le second et dernier album studio sorti du vivant de la chanteuse et musicienne britannique, sortait. Après un premier album baptisé Frank en 2004, en référence notamment à Frank Sinatra dont elle était une grande fan, et plutôt branchée jazz, Winehouse propose avec Back to Black un son beaucoup plus R&B, inspiré notamment de groupes féminins des années 50-60 comme les Supremes, les Ronettes ou encore les Shangri-Las. À propos de la plage titulaire de l'album, elle expliquera en 2006 Back to Black que ça parle de comment on se sent après une rupture, vous voyez. Et ça parle du fait qu'ensuite on retourne à ses vieilles habitudes. Mon ex s'est remis avec son ancienne petite amie et moi je me suis remise à boire et à sombrer. À l'époque, je voulais mourir. À sa sortie, l'album Back to Black fut un triomphe. Il entra d'emblée à la 7e place du Billboard Hot 100, une première pour une artiste féminine. L'album reçut également de nombreuses récompenses et en 2007, il est devenu l'album musical best-seller mondial de l'année en s'écoulant à plus de 5 500 000 copies. On estime aujourd'hui le nombre d'exemplaires écoulés à plus de 12 millions. Malheureusement, la musicienne nous quittera tragiquement le 23 juillet 2011 à l'âge de 27 ans des suites d'une overdose d'alcool. Et nous écoutons un deuxième titre extrait de cet album, c'est le titre d'ouverture, Rehab. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab, I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I gained about 70 days. Cause there's nothing you can teach me. But I can't learn from Mr. Hathaway. Eh bien voilà, j'espère que tout se passe à merveille pour vous en cette matinée. Nous, après ce petit focus sur l'album d'Amy Winehouse et l'album Back to Black sorti en 2006, place maintenant à notre rubrique l'album du jour. Living in the Past, l'album du jour. Cette rubrique est aujourd'hui consacrée à un album de Paul Simon de 1975, Still Crazy After All These Years. Alors, c'est le quatrième album solo de Paul Simon depuis sa séparation avec son compère Art Garfunkel. Et c'est un album qui fut récompensé notamment par le Grammy Award du meilleur album de l'année 1976.

I met my old lover on the street last night. She seemed so glad to see me, I just smiled. And we talked about some old times, and we drank ourselves some beers. Still crazy after all these years. Oh, still crazy. I'm not the kind of man who tends to socialize. I seem to lean on old familiar ways. And I ain't no fool for love songs that whisper in my ears. Still crazy after all these years. Oh, still crazy. Je vous propose un troisième extrait de ce superbe album que je vous invite chaleureusement à redécouvrir. Il s'agit de My Little Town, un morceau chanté en duo avec son vieux complice Art Garfunkel. La chanson paraîtra quasi simultanément en octobre 1975 sur un 45 tours commun et sur Breakaway, le deuxième album solo de Garfunkel. Paul Simon avait promis à Garfunkel qu'il lui écrirait une chanson méchante, car il trouvait que son ami avait trop de chansons douces à son répertoire. En fin de compte, ils se prennent au jeu et la chantent ensemble. My Little Town raconte l'histoire d'un adolescent qui déteste la ville de province dans laquelle il grandit et qu'il rêve de quitter un jour. Little town, I grew up believing.

tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour. Living in the past. Du rock made in France. Nous avons entamé notre séquence Le Rock Made in France avec Je t'emmène au vent, un titre qui figure sur le premier album du groupe Louise Attack, baptisé d'ailleurs Louise Attack. Alors ce premier album s'est vendu à 2 800 000 exemplaires, un record pour un groupe français. Il constitue la cinquième meilleure vente d'albums de tous les temps en France et la meilleure vente dans l'histoire du rock français. Louise Attack était au départ un groupe de scène complètement boudé par les radios. Et ils ont fourni la preuve qu'un groupe pouvait aussi réussir à s'imposer par les tournées et le bouche à oreille et trouver ainsi un large public en dehors des canons des médias. Leur tournée de 1998 est restée dans les annales du rock français. Elle sera même immortalisée dans un film. Après 10 années de séparation, au cours desquelles chacun des membres du groupe a mené ses projets en solo, cette formation s'est enfin reformée et nous a sorti cette année un album intitulé « Anomalie ». Excellent d'ailleurs. Dans le même registre, voici pour suivre la formation bretonne Matmata avec Lambe Andro et pour finir, nous aurons Noir Désir avec leur premier tube au sombre héros de la mer. Viens donc faire un tour à Lambé. Si tu cherches un peu de gaieté, viens donc faire un tour à Lambé. Si aux examens tu t'es planté, viens donc faire un tour à Lambé. Si aux examens tu t'es planté, viens donc faire un tour à Lambé. Si t'as quelque chose à fêter, viens donc faire un tour à Lambé. Si t'as quelque chose à fêter, viens donc faire un tour à Lambé. Y'a des chouchènes à volonté, viens donc faire un tour à Lambé. Y'a des chouchènes à volonté. Viens donc faire un tour à Lambé. Si t'as rien trouvé pour squatter, viens donc faire un tour à Lambé. Si ton mec vient de te plaquer, viens donc faire un tour à Lambé. Si ton mec vient de te plaquer, viens donc faire un tour à Lambé. Si du bouquin tu veux te jeter, viens donc faire un tour à Lambé. Si du bouquin tu veux te jeter, viens donc faire un tour à Lambé. Si pour Mélo y a plus d'entrée, viens donc faire un tour à Lambé. Viens donc faire un tour à Lambé.

in the Past. Le rock en balade. Final scene. I believe you know the one which falls in love with me. As for you, you've been faking your smile, filling your time on small talk, cheap wine, knowing in your heart there was some place that you'd rather be. So right or wrong, I wrote you this song to tell you. Walk over here to me and lay your body down on me, down on me tonight, oh yeah. Ooh, let your tears fall down on me, down on me. Deny to, fight with and try to apologize for all my ways. To all the women, yeah, they're fool enough to fall in love with me. You played your role like a movie, got your lines, who is, who was, who would be. Somehow you lost track while real love slipped away. Never gonna know. And not expecting people anymore. Hear me grieving, lying on the floor. Whether I'm drunk or dead, I really ain't too sure. I'm a blind man, I'm a blind man, and my world is pale. When a blind man cries, après ce long moment de détente, composé d'abord du groupe Poison et son titre Lay Your Body Down, nous avions ensuite Deep Purple avec When a Blind Mind Cries. Alors je ne vous ferai pas l'injure de vous présenter l'album Machine Head de Deep Purple, dont est extrait ce titre. C'est un des albums majeurs de la formation qui a très bien mis en évidence le hard rock avec des titres comme Smoke on the Water, Highway Star, Lazy ou encore Never Before. Ce When a Blind Man Cries que nous venons d'écouter est par contre nettement moins connu que les titres que je viens de citer, et pour cause, il ne figure que sur la version CD de l'album. Je me suis rendu compte tout à fait récemment qu'en vinyle, il ne figurait qu'en face B du single Never Before. Place maintenant à un groupe totalement tombé dans l'oubli et qui a pourtant connu un certain succès durant les années 70, mais aux États-Unis. Il s'agit de Brownsville Station, un groupe de hard rock boogie originaire du Michigan Et comme la plupart de ses contemporains, les Stooges, Frost, MC5, etc., c'est un groupe qui ne donnait la pleine mesure de son talent que quand il était en contact avec son public, notamment grâce à son leader charismatique, un certain Michael Cup Coda, qui était un excellent showman. De 1969 à 1979, année de la dissolution du groupe, Brownsville Station a quand même enregistré quelques albums studio, dont School Punks, duquel est extrait le morceau que nous allons écouter, Kings of the Party. À noter que ce titre se classa quand même en 31e position des charts aux États-Unis. All right, now get your ears lowered down to the speakers so you can understand what I'm talking about. You know, it seems like no matter where we go to play a concert at, there's one thing that remains constant. From the beginning to the very end of the show, you can always count on about 100 to 500 people down in the very front row screaming one word at the top of their lungs. Boogie! And sometimes the feeling prevails upon them so hard, beloved, that they just have to mount up on the stage and get to gigging with the band. And when they do, uh-oh, here comes the security buzz, and the scene is something like this. Hey, you guys are really good, man. I dig up on you guys. When you gonna play smoking in the... Ow! Ow! Ow! Man, you made me drop my bottle of wine on the floor. See, there you go. So we're gonna dedicate this song to everybody listening. Because the ones that get into it are definitely the kings of the party! We're the kings of the party. changement complet de registre. Human League, Human. Après les Brownsville Station et Kings of the Party de 1974, un titre sur lequel vous avez pu vous éclater, nous avons totalement changé de style et d'époque avec la formation Human League et son titre Human de 1986. Alors ce groupe Human League, qui se produira d'ailleurs en Belgique le 16 novembre au Roma à Borgerhout, et s'est formé à Sheffield en 1977. On rattache souvent cette formation au mouvement des nouveaux romantiques. Il a connu un succès important dans les années 80, notamment, on vous souviendrez, grâce au tube « Don't You Want Me hein, », qui fut numéro 1 au Royaume-Uni et aux États-Unis en 1980-82. Keep Feeling, Fascination, Mirror Man et encore ce titre Human que nous venons d'écouter qui fut lui aussi numéro 1 aux États-Unis en 1986. Et voici une formation belge, Kate Shows, Not an Addict. Mm-hmm. À l'automne 1995, Kia's Choice, la formation belge, sortait son deuxième album Paradise in Me, qui commençait avec cette chanson Not an Addict que nous venons d'écouter. C'est un véritable plaidoyer contre l'usage des drogues et ce titre atteindra le top des charts en Belgique et en Hollande et s'en ira conquérir le reste de l'Europe. Kia's Choice est désormais un groupe à part entière avec Jan van Sichem à la guitare et le Hollandais Bart van der Zee à la batterie. Et la formation se produira le 17 novembre au dépôt à Louvain. Ensuite, nous allons maintenant laisser la place à Thérapie qui se produira le 23 novembre au Botanique à Bruxelles. En 1995, soit un an après le succès fulgurant de l'album Treble Gum, Thérapie sortait son deuxième album intitulé Infernal Love. Et c'est vrai que je voue un attachement particulier pour ce disque qui est une véritable pépite de titres bien léchés qui fleurent bon l'énergie, la spontanéité, les émotions, le tout ficelé dans un drap de velours sonore exceptionnel. Le trait dominant d'Infernal Love est très certainement la noirceur et la mélancolie qui s'en dégagent, un ton plus sarcastique au niveau des paroles. Bref, un ensemble qui, s'il n'encourage guère l'optimisme, lui confère une beauté sonore et une atmosphère poignante, une atmosphère impossible à ignorer, notamment lorsqu'on écoute Diane, la reprise de Skurdu, qu'on dirait écrit pour eux. Check it out, we could go and see. nice neat little pile. Thank you. Juste derrière Thérapie, vous aurez sûrement reconnu le son si chaleureux de Nothing Else to Do de l'artiste belge Admiral Freebie. L'artiste viendra d'ailleurs sûrement nous réchauffer le cœur le 24 novembre au dépôt à Leuven. Le lendemain, le 25 novembre, au Lotto Arena d'Anvers, ce sera le tour des Pixies de nous offrir des compositions au son incroyable et à l'ambiance déroutante, comme ce petit bijou qu'est « Where is my mind ?». Et place maintenant au Cure avec « Picture of You » tiré de l'album « Disintegration » de 1989. Thank you. Ah, ça fait du bien de revisiter le catalogue de Cure, et notamment ce Picture of You, extrait de l'album Disintegration de 1989. Et sans nouvel album à son actif depuis 2008, The Cure, la formation emmenée par l'indétrônable Robert Smith, suscite toujours autant de ferveur et de passion sur scène, j'en veux pour preuve, le concert qu'ils ont donné samedi au Sport Palais d'Anvers. The Cure, c'est un groupe aussi influent que singulier. Il n'a jamais paru hors du coup en 40 ans d'existence. Mieux encore, plus les années défilent, plus leurs premiers albums comme 17 Seconds, Face, Pornography of Disintegration deviennent des références si incontournable pour bon nombre de jeunes artistes. On peut s'interroger sur cet engouement des jeunes pour ce groupe, qui a quand même 40 balais. Mon explication, la jeunesse d'aujourd'hui a la même attirance pour la mélancolie teintée de spleen qui captivait déjà les ados de la génération MTV, comme sur ce titre « Picture of You ». Difficile de ne pas évoquer, quand on parle de concert, celui qu'a donné samedi Sting au Bataclan. La venue de Sting au Bataclan, salle dans laquelle il avait joué en 1979 avec son ancien groupe Police, et c'est le premier concert qui s'est tenu dans cette salle depuis les attentats du 13 novembre 2015 qui avaient fait 130 morts à Paris. La star britannique a, dans un élan de solidarité, a décidé de ne pas prendre de cachet et les recettes de ce premier concert sont entièrement reversées aux deux associations de victimes. La chanson « 50,000 » que nous allons écouter maintenant, extrait de son dernier album sorti en 2016, évoque la mort récente de Rockstar. Alors, nous avons eu Prince, Lemmy de Motorhead, David Bowie, Glenn Frey des Eagles et ironie du sort, c'est avec tristesse que nous avons appris ce week-end le décès de Leonard Cohen, ce grand poète, compositeur et interprète qui nous a fait voyager et rêvé durant 50 années. Pour honorer sa mémoire et son œuvre, je vous proposerai ensuite le titre qu'il a révélé en 1967, l'éternelle et délicate Suzanne. Paper today, one more for the list of those already fallen. Another of our comrades is taken down, like so many others of our calling. We tweet our anecdotes, our commentary, or we sing our songs in some sad tribute, while the tabloids are holding a story of kiss and tell. He's no longer able to deny or refute. 50,000 voices rising every time he sings, and every word he ever wrote reflected back to him. How well I remember the stadiums he played, and the lights sweeping across a sea of 50,000 souls we'd face. Serious drug you could never kick, or one that you couldn't imagine you'd ever replace. We flew like kites on the wings of amphetamine, secured only to a bass line and a snare drum beat. But really, what did any of it mean when there's a higher philosophy in reflection and defeat? Today, although the bathroom mirror is telling me something else. These lines of stress, one bloodshot eye, the unhealthy pallor of a troubled ghost. Oh, where did I put my spectacle case? I'm half blind and as deaf as any post. But that's why you wanna be there, and she feeds you

Et voilà, nous voilà bientôt au bout de notre émission. Nous allons malheureusement devoir nous quitter sous peu, mais non sans vous avoir présenté quelques nouveautés ou rééditions, à commencer par une compilation proposée par le groupe Queen intitulée On Air et qui devrait ravir les fans et collectionneurs du groupe. Il s'agit de sessions d'enregistrement effectuées entre 1973 et 1977 par le groupe à la BBC. Donc cet album s'intitule On Air et en voici un petit extrait. J'ai choisi Doing Alright, un titre qui, à ma connaissance, est un inédit, en tous les cas, qui ne figure si mes données sont exactes sur aucun autre album. Yesterday, my life was in ruin. Now today, got a feeling I should be doing all right. Doing all right. Where will I be this time tomorrow? Jump for joy.

glow. Trouser pockets, he's ready to go. In rap. Thank you. Voilà, c'est ainsi que se termine notre émission Living in the Past avec un titre d'Uriah Heep, extrait d'une réédition de l'album de 1971, Salisbury. Il s'agissait de High Priestess. Avant cela, nous avions un extrait de dernier album de Madness, Can't Touch Us Now, Madness. L'extrait s'intitulait Mr. Apples. Je vous donne rendez-vous d'ores et déjà le 28 novembre, même heure, même fréquence, pour un nouveau rendez-vous et un nouveau périple à travers l'histoire du rock et de la pop des années 50 à nos jours. D'ici là, portez-vous bien. A soñar, como seguro lo piensa el músico, yo me voy por otro camino. Et bien sûr, tu ne pleureras que ces larmes sèches qui s'assoient sur cette vie que nous ne voulions pas. 20 ans sans amour et si peu de joie, 2 inconnus au même toit, des enfants qui n'ont pas le choix. Puisse le diable se demander pourquoi le musicien ne se retourne pas. Mais dis-toi qui n'a pas choisi d'avoir à ton bras ma compagnie. Que tous les dieux me pardonnent et j'enfreins la règle, demain je te rends ta main. Oh, dis-toi qui n'a pas choisi d'avoir à ton bras ma compagnie. Je le demande aux pauvres musiciens, je m'en vais parcourir d'autres chemins. Guillaume Lopez, messieurs dames.